It rings the phone, it rings no more. The song, it's been spinning now since 90. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, don't breathe a word. Just step away and let the world spin. And now and turn, you turn, you kneel, lace up his shoes. Your little blue-eyed boy, take him by his hand. Go moving, spinning down the hall. I get lucky, 'cause I tried again. I knew the world, it would stop spinning now since you've been gone. I used to think that when you died, you kind of wandered the world in a slumber till you crumbled, were absorbed into the earth. Well, I don't think that anymore. The phone, it rings no more. The song, it spins now since 1984. The song, it's been spinning now. And if you hold me, I will tell you that you know that. If you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe a word and live. Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le grêlé. Nos invités, Jacques Dallest, bonjour. Bonjour. Vous avez été magistrat à Rouen, Grenoble, Marseille ou en Corse. Vous avez été juge d'instruction, puis procureur général. Et vous avez présidé un groupe de travail sur les cold cases qui a conduit à la création l'an dernier du pôle judiciaire dédié aux crimes non élucidés. Et vous avez publié en janvier dernier chez Mareuil Éditions le livre Cold Case, un magistrat enquête. Vous parlez avec nous depuis Annecy, où vous vous trouvez. Marc Jolivet, dans nos studios à Paris, humoriste bien sûr. Bonjour Marc Jolivet. Bonjour. Vous venez d'explorer les allées du fait divers, en l'occurrence celui du grêlé, justement, avec ce roman intitulé « Tueur hors série ». Jacques Dallest d'abord, d'où vient votre conviction que police et justice ne doivent jamais abandonner une affaire ? Il me semble que c'est une exigence due aux familles, aux proches, aux victimes qui attendent une réponse après un drame atroce qu'elles ont vécu. C'est aussi lié à l'évolution scientifique qui, vous le savez aujourd'hui, permet des années plus tard de résoudre un crime grâce à de nouvelles technologies. Donc l'idée qu'il faut travailler sur le long cours, ne jamais abandonner, ne jamais se partir battu, le faire pour la famille, le faire pour la société également, ça me semble être des exigences absolument fondamentales. Alors dans votre livre, vous écrivez « Un crime ne naît pas cold case, il le devient ». Certes, ça paraît logique, mais pourquoi le devient-il finalement ? Alors certains crimes partent mal, si je puis dire. Soit la scène de crime n'existe pas, je pense à des disparitions criminelles, pas de scène de crime. Quelquefois, on retrouve des restes humains dans des circonstances difficiles, difficiles de retrouver des indices, des traces. Et puis, il y a également une dimension tout à fait humaine. Il peut y avoir des maladresses, des erreurs, des oublis, des négligences qui peuvent être donc totalement humaines, qui peuvent mettre en cause des enquêteurs, mais aussi des magistrats. On va trop vite, on a autre chose à faire, on oublie telle ou telle chose. Et c'est comme ça qu'une affaire qui pouvait être résolue, finalement, restera énigmatique, malheureusement. Il y a aussi le fait que parfois, l'assassin peut être plus fort que le policier. Oui, eh oui, bien sûr. Donc ça, c'est un constat d'échec et il faut l'admettre aussi. Il faut admettre que l'assassin cherche à tout prix à ne pas rendre des comptes. Il va tout faire pour échapper à la justice, donc dissimuler son crime. Très souvent, alors c'est pas le cas majoritaire parce que beaucoup de criminels sont identifiés très vite, mais il arrive, surtout lorsque le crime est organisé et prémédité, que l'intéressé ait pris toutes les précautions. Et il faut être plus fort que lui. Et surtout, ne jamais lâcher prise, car un jour, une erreur peut être commise de sa part. Et c'est comme ça que la vérité peut jaillir. Est-ce que vous pensez que certains magistrats ont exprimé finalement une forme de fatalisme au fur et à mesure que le temps les éloignait du crime ? Oui, bien sûr, je l'ai vécu moi-même, puisque comme vous l'avez dit, j'ai été juge d'instruction. Oui. Il m'est arrivé dans des temps anciens de lâcher trop vite. Aucune piste, les pistes étaient toutes explorées, rien ne permettait d'avancer. À l'époque aussi, nous ne connaissions pas l'ADN. Une forme de défaitisme judiciaire, effectivement, qui peut s'emparer de tout le monde. On a autre chose à faire, d'autres dossiers très urgents, et c'est le propre des services d'enquête et de la justice qui sont pris par des dossiers d'urgence. Et donc, ces affaires anciennes, on peut les laisser de côté, on les met au fond du placard, et puis finalement, le temps passe. Rien ne se passe et le dossier peut se prescrire petit à petit. Et il ne faut pas compter sur la chance, évidemment, par définition c'est trop aléatoire, mais nous, à Affaires Sensibles, on a l'habitude de raconter ce qu'on appelle des faits divers, en fait. C'est plutôt la rubrique police-justice, et on s'aperçoit à quel point, très souvent, la chance intervient pour qu'une affaire soit élucidée. La chance, qui est comme un outil, mais en même temps il est fragile par définition. Bien sûr. Heureusement, le meurtrier, le violeur laisse des traces, alors des traces indépendantes de sa volonté, de son ADN, mais aussi pour commettre des erreurs grossières. J'ai le souvenir, et je le raconte dans le livre, d'une affaire où un meurtrier, le type avait pris une autostoppeuse, l'avait violée et tuée, mais il a laissé un morceau de carton portant sa signature, il vendait sur les marchés, et c'est ce morceau de carton qu'il a accusé formellement, donc des erreurs. Et heureusement, quelquefois, dans la panique, dans l'émotion, l'intéressé va signer son crime. Mais il ne faut pas compter évidemment que sur l'erreur, il faut aussi la débusquer, chercher la micro-trace, c'est celle qui peut-être va révéler la vérité. Est-ce que vous considérez, parce que ça paraît quand même assez évident, que l'ADN est une véritable rupture dans l'histoire judiciaire, française comme américaine et ailleurs d'ailleurs, qu'il y a eu vraiment un bond, il y a l'enquête policière, il y a l'avant-ADN et après-ADN, on peut le dire ? Tout à fait. J'ai connu un certain nombre de crimes de sang instruits à Lyon qui, si nous avions connu l'ADN, auraient certainement, pour la majorité d'entre eux, été résolus. Mais malheureusement, nous ignorions, on en restait au groupe sanguin, on en restait aux empreintes digitales. Et on le voit aujourd'hui, des affaires comme l'affaire du Grélet. 30 ans après, 35 ans après, un ADN qui ne parlait pas, qui n'existait pas à une époque, peut être révélé et qui dit ADN, dit identité éventuellement de l'auteur. Et ça a été une révolution assez considérable qui n'est pas terminée. Aujourd'hui d'ailleurs, avec quelques cellules, on peut identifier un individu, ce qui n'était pas le cas avant, il en fallait beaucoup plus. Voilà, et sans doute que l'avenir nous réservera d'autres surprises au détriment des criminels, c'est heureux. Et quel est votre regard justement sur cette affaire du Grélet ? Elle est quand même très spécifique. Voilà un homme qui est resté plusieurs décennies à vivre tranquillement sa vie. Enfin, ça paraît incroyable. Oui, car on a eu d'autres, pensons au violeur de la Sambre, hein, ce monsieur au-dessus de tout soupçon qui a commis pendant des années des viols en série. On voit des individus qui ont eu un moment de leur vie, un moment criminel très particulier. Ils ont eu de la chance, ils ont échappé à la justice. Et des années plus tard, enfin, ils reprennent une vie normale. Et à la grande surprise de leur entourage, un jour, on apprend que l'intéressé peut être un grand criminel. Et c'est le cas de ce François Vérove. Ce qui démontre aussi qu'il ne faut rien lâcher, que les enquêteurs doivent inlassablement travailler, ne pas abandonner l'affaire, et notamment en étant extrêmement minutieux sur l'analyse des scellés, des pièces à conviction, qui peut révéler cette fameuse vérité qu'on n'avait pas trouvée et qu'on peut retrouver des années plus tard. Quand vous présentiez le rapport de votre groupe de travail qui va aboutir à la création du pôle Cold Case, l'an dernier, vous expliquiez que la justice doit garder une mémoire criminelle. Qu'est-ce que ça signifie précisément ? Oui, c'est quelque chose que j'avais évoqué il y a déjà très longtemps, dont ne sont pas dotés malheureusement les parquets, les procureurs de la République. Quand un procureur prend ses fonctions, ou que ce soit, il n'a pas un état exhaustif des affaires non élucidées de son ressort. Il faut qu'il recense lui-même en exhumant les dossiers anciens, classés éventuellement. Cette mémoire criminelle, si elle existait, de façon générale, permettrait à chaque procureur prenant ses fonctions de pouvoir se replonger avec des collaborateurs dans ces affaires anciennes, mais encore faut-il qu'il en ait connaissance. Bien sûr. Quand il arrive, certains dossiers ont été classés avant son arrivée, et à moins que la famille, un avocat ne bouge dans ce domaine, il ne fera rien, parce qu'il n'a même pas connaissance que telle ou telle affaire criminelle a été clôturée dans son ressort. la presse peut jouer un rôle évidemment déterminant. Cette mémoire criminelle permettrait sans doute aussi de faire des rapprochements entre procureurs voisins, sachant que certains criminels agissent sur plusieurs territoires, plusieurs départements. Ça me semble évident, ça ne demande pas de grands moyens, ça demande une volonté. L'informatique aide beaucoup, la numérisation des dossiers aide beaucoup. Il faut aller absolument dans ce sens, à mon avis. Jacques Dallest, Le Grel est un tueur en série, mais que pensez-vous de l'expression « tueur hors série » ? Alors, oui, hors série. C'est celle de Marc Jolivet. C'est pas mal trouvé, quand même. Bien sûr, ben, un tueur... par définition, est un peu hors série, hors de la norme sociale, puisqu'il passe à l'acte. Alors certains sont des multi-récidivistes, où certains tuent beaucoup, malheureusement, où certains tuent beaucoup de monde en un trait de temps. C'est les tueurs de masse. Et malheureusement, tout crime est hors série. Il faut le déplorer. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il est difficile, quelquefois, de les résoudre, ces affaires-là. Alors disons que Marc Jolivet est un humoriste hors série, on en parle et on va... Certainement. On va lui donner la parole dans 3 minutes. Je mets le feu, je veux tout brûler, je veux voir ça dans vos yeux. Y'a rien qui m'excite si on n'est plus tous les deux. Sors-moi un revêt chargé, je remets le feu. T'as compris, je mets le feu, ouais. Si près du but, non, je lâcherai rien pour eux. J'ai tout niqué, t'as paniqué, dis-moi adieu. Sers-moi un revêt chargé, je remets le feu. Tous les jours en survêt, je tourne en rond jusqu'au matin. Une petite voix dans ma tête, crie ton nom, ça rend zinzin. Quand j'arrive à fermer les yeux, sur ma vie je fais un peu. Du mal à supporter l'échec, mon cerveau ne fait jamais de break. Je calcule pas le temps qu'il fait, ici tous les jours sont fériés. Je sais pas comment m'habiller, quel pyjama je vais enfiler. Chérie, si tu t'éprends de moi, s'il te plaît ne t'attache pas. Ne fais pas comme moi, non, je suis pas là pour ça. Et moi je mets le feu, ouais. Je veux tout brûler, je veux voir ça dans vos yeux. Ouais. Y'a rien qui m'excite si on n'est plus tous les deux. Sers-moi un revêt chargé, je remets le feu. T'as compris, je mets le feu, ouais. Si près du but, non, je lâcherai rien pour eux. J'ai tout niqué, t'as paniqué, dis-moi adieu. Sers-moi un revêt chargé, je remets le feu. J'arrive dans ta vie, pas de préavis. Je m'en fous de ton avis, je vis pas, je survis. Donc Marc Jolivet, je vais donc vous donner la parole. Vous êtes l'auteur de ce roman intitulé « Tueur hors série », donc inspiré de l'affaire du Grel. Et j'ai envie de vous dire, mais vous l'humoriste, quelle mouche vous a piqué d'écrire un roman? Pourquoi cette histoire? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Quelle était votre intention éditoriale? J'ai eu envie d'écrire un roman policier et très rapidement, je suis tombé sur cette histoire et j'ai dit, quelle chance j'ai. Que ce soit de Gabin à Clint Eastwood, la recette du succès, c'est 3 choses. 1, une très bonne histoire. 2, une très très bonne histoire. Et 3, une très très très bonne histoire. Waouh! J'ai eu la très grande histoire. Mais je ne suis pas seul à avoir écrit. J'écris aussi avec ma femme, qui est d'ailleurs une traductrice. Et donc, c'est une femme littéraire et elle travaille avec moi, je tiens à le préciser. Car si c'est bien écrit, c'est aussi grâce à son talent. Et le fait d'être avec une femme m'a rassuré un peu. Parce que de plonger dans cette horreur, dans la vie de cet homme, très rapidement, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, je vais m'inventer un personnage. Mmh. Voilà, j'ai la colonne vertébrale, cette histoire est exceptionnelle, et je vais donc pouvoir, autour de cette colonne vertébrale, mettre 3 bras, 4 jambes, 10 yeux, ce que je veux. Je vais construire, enlever, modeler, et ayant toujours peur, j'ai appelé Simon Michael. Simon Michel est un ancien commissaire de police qui est devenu scénariste et qui a écrit, entre autres, Les Ripoux avec Claude Zidi et Ma petite entreprise avec Pierre Jolivet. Et je dois rendre hommage à Simon parce qu'il m'a rassuré à toutes les étapes. Oui, parce qu'il y a de l'humour dans ce roman, parce que c'est votre signature, l'humour. Mais le sujet est grave. Comment vous avez géré cette apparente contradiction ? Terriblement. C'est-à-dire, terriblement, il y a eu des moments où j'ai eu envie de lâcher. Et puis, en me laissant aller, et surtout, j'avais la faim. C'est-à-dire, pendant 35 ans, on ne le retrouve pas. Donc, j'ai eu la possibilité d'inventer mon personnage pour le Balder, de lui inventer une vie, d'aller vers la rédemption. Et plus j'avançais et plus j'étais tranquille parce que mes héros, c'était les policiers. C'était cette femme juge notamment qui, il y a 2 ans, a dit « Je veux l'ADN de 750 absolument, gendarmes ». Absolument. Et qu'il retrouve. Mais cette histoire est extraordinaire. Mais comment ne pas héroïser ce personnage infréquentable ? Parce que même si c'est pas... il s'appelle Paul Balder, hein, c'est oui, ça ? Oui, Paul Balder. Même si s'il n'est pas François Vérove, il nous renvoie à quelqu'un absolument infréquentable. Mais parce que je l'ai oublié. Lui, je l'ai oublié. Moi, j'écris un roman. Donc, mon personnage, je l'ai construit. Et j'allais vers le bien. Mais ce n'est plus du tout... C'est un petit peu... Alors, on va prendre 2 exemples que j'aime bien. Bac Nord et Novembre. Ouais. C'est inspiré. Voilà, moi, je suis inspiré. Mais ça n'est absolument pas un documentaire. Et François Vérove ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est mon personnage. Comment ? Pourquoi ? L'ADN, Maoa. Car au début, je n'avais pas découvert que Maoa et CDH13 étaient des enzymes, des gènes qui portaient le mal. Ouais. Donc, moi, je décide que mon personnage, il a en lui ça, le gène du mal. Et le Maoa produit l'oxydase. C'est ça. Oui, peut-être. Voilà. Vous le dites bien. Oui, c'est ça. C'est une enzyme qui intervient dans l'élimination des neurotransmetteurs tels que la dopamine et que l'on retrouve justement chez les êtres violents. Vous avez vu, j'ai bien préparé mon dossier. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, vous maniez une matière qui, effectivement, pouvait paraître un peu... difficile. Vous y avez trouvé du plaisir dans la narration, mais il y a un plafond de verre, c'est-à-dire que vous ne parlez pas des viols, comme un plafond de verre. C'est vraiment un territoire sur lequel vous ne voulez pas aller. Il y en a un petit, mais il le regrette. Non, ça c'était très clair. Mon personnage ne serait pas pédophile. Ouais. Impossible. Impossible pour moi, je ne voulais pas aller justement dans ces sphères-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Julie, ma femme et co-auteur, nous avons décidé que nous donnerions 50% de nos droits d'auteur à France Victime. D'accord. Parce que, par rapport à ce que vous dites, surtout pas héroïsé, mais moi, le fait de travailler sur des choses abominables, quitte à avoir une conscience, alors, tu te donnes bonne conscience. J'en ai une, autant qu'elle soit bonne plutôt que mauvaise. Alors, on vous connaît, on connaît votre énergie, vous écrivez un livre... Vous voulez faire un film, une pièce de théâtre ? Qu'est-ce que vous voulez Absolument. Faire ? Absolument. Ah bon ? Je peux même vous dire qu'à la suite est déjà en marche. J'écris déjà la suite. Voilà. Alors. Vous voulez... Non, je ne vous le dirai pas. Mon éditeur m'a dit plus tard. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à Avignon cet été et que j'ai regardé un spectacle à la Scala où il y avait, vous y étiez, Fabrice Drouel dans Affaires Sensibles. Et je vous jure que c'est vrai, Fabrice, je cherchais à dire 360 pages d'un roman. Comment faire pour arriver à en faire une pièce de théâtre ? Et en vous regardant, je me suis dit, mais il faut un narrateur. Mais bien entendu, je ne sais pas si vous accepteriez, mais je vous ai rajouté une narratrice. Car pour moi, ce sera un homme et une femme. Comment trouver du boulot, même quand on n'en demande pas ? C'est bien, c'est dit donc. Merci infiniment, Marc Jolivet. Merci également, Jacques Dallest. Merci, Fabrice. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire de Grêle, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Jean-Philippe Jeanne. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Constance Villanova, Sophie Bobert, Franck Cognard, Adrien Mora et Jean Bulot. Documentation sonore, Claire Tesser, chargée de programme, Rebecca Donnante. Programmation musicale, Valentine Chedebois, coordination, Franck Cognard. Réalisation Hélène Bisio, Frédéric Milano, Charles Ossilia et Stéphane Combes.